Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Huitième épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois une journaliste qui se lève tôt, qui écrit des lettres à des gens plus ou moins connus et boit du vin en lisant. Bonjour Élodie Font. Bonjour. Alors je précise, tous les éléments de cette microbiographie en introduction seront expliqués au cours de l'émission. Mais tout d'abord, première question traditionnelle de la mécanique des ondes. Vous êtes au micro d'une radio associative et je voudrais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Aucun. Bon, comme ça c'est fait. Je crois pas avoir déjà travaillé pour une radio associative. J'ai travaillé pour Beurre FM, mais c'est peut-être une radio associative. C'est possible, ça a été peut-être au début, je vais pas le confirmer. Mais en tout cas, j'ai jamais bossé pour campus, j'ai jamais fait de la radio quand j'avais 15 ans, 16 ans et que je me demandais ce que j'allais faire dans ma vie. J'ai commencé la radio beaucoup plus tard que ça. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la radio et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a décidé de vos études? Ça a décidé de mes études, oui et non. J'avais envie de devenir journaliste, ça c'était sûr, donc j'avais organisé tout mon parcours pour. Ça, j'ai eu une espèce de lubie à partir de la première. À partir de la première, j'ai regardé les guides de l'ONICEP et je me disais, je vais devenir journaliste, ça c'était sûr. Mais je pensais vraiment que j'allais devenir journaliste de presse écrite. C'est comme ça que j'avais imaginé ma vie, ma carrière. Je pensais que j'allais faire de la presse jeunesse. J'en ai fait un petit peu d'ailleurs, j'en fais toujours un petit peu puisque je travaille pour Phosphore régulièrement, le magazine pour les ados. Mais je suis rentrée comme ça dans une école de journalisme en disant que j'avais envie de bosser pour la presse jeunesse. Et puis quand on est dans une école de journalisme, en l'occurrence celle de Lille, on s'essaie aussi à la radio, à la télé, à toutes les formes de médias. Et j'ai trouvé ça assez rigolo, la radio, mais j'étais très très nulle. Enfin, en tout cas, les premières fois, j'étais vraiment très très nulle. Et je me suis dit, non mais vraiment, je vais me concentrer sur la presse écrite. Et en fait, c'est vraiment un hasard. Enfin, un hasard, je sais pas. C'est une coach vocale qui donne toujours des cours, d'ailleurs, je crois, à l'ESJ, et qui m'a dit, mais pas du tout, toi, t'as une voix pour faire de la radio, faut absolument que t'en fasses, la presse écrite, t'auras bien le temps d'en faire après, il faut absolument que tu te concentres sur la radio. Et comme j'avais 22 ans et que, en fait, quand on te flatte et qu'on te dit... Ça fait très plaisir. Ouais, c'est ça, quand on te dit t'as une voix pour faire de la radio, tu te dis « Ah ouais, peut-être ». Et je me suis dit « D'accord, pourquoi pas ?» Et en fait, au fur et à mesure, je ne l'ai pas quitté. Et alors justement, il y a eu des stages en radio pendant l'ESJ Lille. Vous avez du coup postulé sur certains stages ? On postulait pas en fait. On nous plaçait dans des stages. Oui, j'ai dû commencer par faire un stage à France Inter, mais... en diffusant un seul son. Et puis ensuite j'ai fait un stage à RFI qui s'était pas très très bien passé, et puis ensuite un stage à RTL qui pour le coup s'était super bien passé, j'en ai un super souvenir. Et puis très vite j'ai fait un stage qui était en même temps une sorte d'entretien d'embauche géant pour aller à Tanger au Maroc, où j'ai passé ma première année. C'était ma première année d'expérience au Maroc. Et alors c'était pour quel média? Midi 1. C'est une radio franco-marocaine, à moitié-moitié, donc moi évidemment je faisais des journaux en français, même si j'ai appris un petit peu l'arabe, le darija sur place, mais bon, pas de quoi, pas assez pour en faire un journal. Et vous apprivoisiez donc votre voix et votre manière de parler du coup pendant ces stages, comment ça s'est passé? Ouais, c'est assez rigolo parce que... J'ai eu l'occasion de réécouter il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis tombée sur un CD d'une copine qui m'avait enregistré pour me faire un cadeau. Enfin, et en fait, c'est rigolo parce que c'est tellement pas moi du tout. Déjà parce que je pense que l'exercice me correspondait pas si bien que ça, le fait de présenter des journaux. Et donc, je forçais clairement ma voix. Enfin, c'est vraiment assez ridicule à réécouter. Et on sent avec quel manque de naturel je fais ce travail à ce moment-là. Mais c'est compliqué. Enfin, je trouve que quand on commence à faire de la radio, le temps de trouver sa voix dans les deux sens, d'ailleurs, avec un X et avec un E à la fin, c'est assez compliqué. Donc j'ai mis plusieurs années, moi, avant de me dire « Ah là, ça y est, je me sens moi ». À la radio. Ouais, ouais. Et justement, comment apprivoiser le micro? Vous êtes toujours stressée? Vous étiez stressée? Ah non, j'ai cette grande chance, moi. Je suis pas du tout stressée au micro. Pas du tout, du tout, du tout. Les seules fois où je suis stressée, c'est quand je change de radio. Et j'ai toujours une petite phase de une semaine où à chaque fois que je vais prendre le micro pour cette nouvelle radio, je vais un peu stresser, je vais avoir la voix qui tremblote un petit peu, mais très vite ça s'en va, et très vite j'ai l'impression, quand je mets un casque, de rentrer sur une scène de théâtre. Et j'ai vraiment l'impression que ça me porte, il peut se passer n'importe quoi dans ma vie, mais vraiment n'importe quoi. Et ça ne s'entend pas, je crois. Parce que quand je mets mon micro, tout va bien, en fait. Mm-mm. Tout va bien. Ça m'est arrivé une fois, mais j'étais en train de vivre un truc pas très très cool. Une fois où j'ai senti que ma voix s'en allait et qu'elle n'avait pas très envie d'être là. Mm-mm. Mais la plupart du temps, je me sens super bien derrière un micro et j'ai la chance de pas du tout stresser. C'est une grande chance. Et très vite. Je crois pas... vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des séances de stress pas possible. Peut-être un peu à l'école, mais... c'est passé très très vite. Très très vite, vraiment. Après cette expérience à Tanger, qu'est-ce qui se passe, Élodie Font? Alors, qu'est-ce qui se passe quand je rentre de Tanger? Il se trouve que c'était pas une très belle expérience pour moi, cette première expérience professionnelle, et que quand on débute dans sa vie professionnelle... On dit que la première expérience est toujours assez saisissante, en tout cas qu'elle vous marque. Moi, elle m'a marquée parce que je me suis dit plus jamais ça. Plus jamais me retrouver dans une radio où je me sens aussi peu moi et dans une radio où je me sens harcelée, puisque j'ai mis quand même pas mal de temps à le dire, à me le dire à moi-même déjà, mais c'était vraiment un cadre professionnel assez compliqué pour moi. En plus, c'était pour des raisons extra-professionnelles, hein. C'est toujours comme ça d'ailleurs, le harcèlement professionnel. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, mais est-ce que t'es vraiment faite pour ce boulot-là? Si tu te sens aussi mal, si tu pleures aussi souvent, c'est pas possible, quoi. Il faut faire autre chose. Et en même temps, je sais pas, il y a eu des concours de circonstances. Je me suis dit, bon, essaie à nouveau. Et je suis allée en direction de radio où je savais qu'en fait, l'organisation était telle qu'on allait me laisser un peu tranquille. Donc... j'allais me sentir assez libre et aussi justement que j'allais subir assez peu de critiques a priori et que j'allais pouvoir me reconstruire. Je me le suis pas dit comme ça, hein, évidemment, mais en regardant mon parcours, je me dis c'était un peu fait exprès de ma part. Et donc, je me retrouve à bosser à Beurre FM, notamment, où je suis censée animer un journal, ça s'appelait La Semaine du... Maghreb et du monde arabe, je crois. Le très très bon nom d'émission, pas du tout long. Ouais. Très radiophonique. Extrêmement radiophonique. C'est La Semaine du Maghreb et du monde arabe, Élodie Font, Font, Font, Font, Font. Et après, ça s'appelait. Super bien la réverbe. Attends, parce qu'après, ça s'appelait Génération Révolution, c'est encore mieux. Génération Révolution, Sion, Sion, Élodie Font, Font, Font, Font. C'était vraiment très bon. Et en fait, c'était un peu par hasard. C'est parce que je revenais de Tanger, ils se sont dit, ah bah, tiens, elle a l'air de s'intéresser au monde arabe en général. Et c'est tombé l'année des printemps arabes. du printemps arabe, des printemps arabes. Je sais jamais si on les met au pluriel ou pas d'ailleurs. Il y en a eu plusieurs, mais pas au même temps. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est tombé cette année-là et c'était tellement intéressant. Et c'était chouette parce que on avait des super spécialistes, puisqu'ils prenaient le temps de venir sur Beurre FM, évidemment pour parler de toutes ces questions-là. Et c'était passionnant parce que même les gens qui nous écoutaient, enfin j'ai eu des retours pour la première fois positifs. Et c'était la première fois que je présentais une émission. À la base, c'était donc censé être un journal, mais ça s'est transformé assez vite en émission. Qui durait combien de temps ? Une heure. Oui, donc et puis le après temps de deux développer. Heures, Génération Révolution. Ouais. Et le temps de développer, le temps de... vraiment comprendre ce que c'est qu'une émission. Et j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là un réalisateur avec moi qui faisait aussi la technique et qui lui avait un vrai sens radiophonique et qui m'a appris plein de choses sur ce que c'est qu'un conducteur, donc comment on organise une émission, sur comment faire en sorte qu'il y ait une cohérence, sur vraiment la dynamique, la musique d'une émission. Il m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Et quand je suis sortie de Beurre FM, enfin quand je suis partie de Beurre FM, donc au bout d'un an et quelques... Ouais, un an à peu près. Vous êtes reparti en 2011, en novembre 2011. Ouais, c'est ça, donc... ou de, ah non, 2012 2011 Ah, moi j'ai 2011, hein, novembre septembre 2010 à novembre 2011. Ah oui, c'est ça, puisque les printemps arabes, c'était en 2011 et c'est ça. Parce qu'ils déménageaient, parce que moi j'aime bien quand ça va vite et quand ça roule bien. Et bon, à Beurre FM, c'était un peu compliqué. Alors je sais pas si c'était compliqué, mais ça n'avançait pas aussi vite que j'avais envie que ça avance. Mais il faut dire que je... C'est pas forcément une grande qualité que j'ai, ça. Parce que je suis assez impatiente dans la vie. Voilà, donc Beurre FM à ce moment-là. Et puis j'ai fait aussi des nuits à Autoroute FM, qui avait changé déjà de nom, qui s'appelle Radio Vinci Autoroute. Mmh. Je faisais des nuits. Et là aussi, j'ai appris pas mal de choses, parce que, mine de rien, entre minuit et 6h, faut faire les flashs d'infos, mais il faut aussi animer, et puis faire en sorte que les gens qui nous écoutent à 3h du mat', ils s'endorment pas sur la route. Et franchement, c'est un vrai défi. Ouais, c'est un défi. Puis les gens qui t'appellent, qui te disent... Oui, bonjour, je viens de vous entendre. Et en fait, je voudrais vous dire qu'au kilomètre 62, j'ai vu un bison. Non, un sanglier. je trouvais ça assez, assez chouette aussi dans le rapport aux gens qui écoutent la radio et ce qu'ils en font. Je trouvais ça assez chouette. Et ça a duré un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de la pige. Parce que, parce qu'en plus, à ce moment-là, quand on n'a pas beaucoup de réseaux, la pige, c'est quand même vraiment un petit peu compliqué, quoi. Les gens te répondent une fois tous les 150 ans. Et comme, heureusement, à côté, j'avais aussi de la presse écrite, il se trouve que, j'ai obtenu un CDI à Street Press, qui est un site d'info, mais pour les jeunes urbains. Et on se marrait bien, c'était il y a quelques années, donc le site a beaucoup changé depuis. Il marche bien d'ailleurs maintenant, ce site. Au moment où j'y étais, c'était évidemment beaucoup plus petit. Et pile à ce moment-là, parce que... On le dit souvent dans ce milieu, peut-être d'ailleurs dans d'autres, quand il se passe quelque chose, souvent il s'en passe plusieurs à la fois. Et quand j'ai su que, enfin presque au même moment, quand j'ai su que j'étais prise pour ce CDI, j'ai su aussi, et là c'est vraiment un hasard, que la matinale du MOUV, quand c'était le MOUV... Quand c'était le MOUV, vous allez rajouter le donc le du MOUV, la matinale cherchait quelqu'un pour remplacer un chroniqueur. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour trouver quelqu'un. Ils ont appelé une de mes copines qui leur a dit « Alors là, moi, pas du tout, ça m'intéresse pas, mais j'ai une copine, franchement, je pense qu'elle serait, bien pour faire ce genre de chronique. » Ils m'ont appelé, on s'est rencontrés. Et c'était parti pour ma première vraie expérience radiophonique chouette. Stop, Élodie Font, maintenant c'est le moment de la première pause musicale. Ok. Alors du coup, la première pause musicale, vous avez choisi quoi ? J'ai choisi quoi ? Bah je sais pas, vous voulez commencer par quoi ? Ah bah ce que vous voulez. J'ai mis les Beastie Boys. Les Beastie Girls. Boys avec Girls, alors pourquoi ce choix ? Parce que pourquoi ce choix? Alors déjà parce que c'est une musique qui a été diffusée à mon mariage. D'accord. Donc ça c'est pour ma petite raison personnelle. Et puis aussi parce que au fur et à mesure de ma carrière, je me suis, enfin de ma carrière. Ah si quand même. Si non. On peut le dire, bah si, bon, on le dit. 31 ans, on peut pas dire carrière. Mais si, on a le droit quand même. Non, alors de bon petit parcours. Je me suis retrouvée à des postes où il y a très peu de femmes. Voilà, je vais vous l'expliquer après, du coup c'est ça. Ça marche. Elodie, on parle beaucoup, alors je ne peux pas passer très très longtemps des Beastie Boys, je suis désolée, hein, Elodie. Vous aviez une explication? C'est vous qui m'invitez. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis je fais ce que je veux dans mon émission, du coup. vous aviez une explication sur les Beastie Boys? Oui, la petite explication, c'est que donc j'ai présenté deux matinales, j'ai eu cette chance, d'ores et déjà. J'aime bien placer le d'ores et déjà. Et c'est pas un défi personnel, hein. Non, je le précise. Deux matinales, donc au Move et à la Radio Nova, et c'est vrai que les matinales, il y a très très peu de matinalières femmes, ce sont des postes qui sont vraiment trustés par les hommes, et voilà, c'est un petit clin d'œil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis c'est une vraie problématique que j'avais eu l'occasion de poser à beaucoup de femmes, beaucoup de femmes de radio. Est-ce que ça va s'améliorer dans les années à venir? On espère. Je sais pas. C'est parce que c'est de toute façon c'est pareil dans tous les milieux, mais les boulots où il y a un petit peu de reconnaissance, les boulots où il y a du pouvoir, c'est pas forcément le cas d'une matinale, hein, mais c'est forcément des boulots où les mecs se positionnent davantage. Exactement. Elodie Font, vous a laissé Astrid Press, donc vous rentrez effectivement en CDI, mais où on vous propose donc, grâce à une copine du coup, on vous propose une chronique sur le Move. Exactement. Et alors de chronique, en double chronique, en remplacement d'émission, en première émission à trois, en matinale du week-end, jusqu'en matinale tout court. J'y ai passé 3 ans et demi et c'était vraiment très très formateur. Alors au début vous restez entre Street Press et le Move, vous faites les deux au début? Oui, je fais les deux parce que j'ai qu'une chronique sur le Move, donc ça me permet pas de vivre, et puis après j'en ai deux, et puis après on m'appelle et on me dit voilà, on aime bien ce que tu fais, on aimerait bien qu'en fait tu viennes faire plus de choses. Et comme j'ai toujours eu un penchant pour la radio et que ça me manquait vraiment, j'avais envie d'aller découvrir le Move plus en profondeur. J'ai dit oui. Ça c'était au bout d'un an. Et ensuite il s'est passé, c'est ça, 2 ans et demi à peu près. Ouais. Et alors du coup, entre la chronique, l'animation du week-end, vous découvrez aussi le milieu Radio France. Ouais. Le milieu Radio France, même si le Move c'est un petit peu à part, hein, quand même. Hein. Mais le milieu Radio France. Les moyens qui sont superbes, le son, le de s'attacher à faire une jolie radio, c'était vraiment vraiment chouette, même si encore une fois le Move c'était un peu à part, et puis on changeait de directeur tous les 6 mois. Ouais. J'ai cette grande capacité de travailler dans des endroits qui soit ferment soit changent complètement de visage, de propriétaire, et en l'occurrence j'ai enterré le Move d'ailleurs, puisque j'ai fait la dernière matinale du Move avant que ça devienne Move tout court. Et c'était aussi rythmé par ça, les années du Move, c'était rythmé par comment on pourrait dire ça, un changement permanent. Faut s'adapter, quoi. Oui, c'est ça. Mais moi, je sentais vraiment, parce que j'étais donc venue vous voir sur le Move, et il y avait vraiment une liberté, une détente, où voilà, vous invitiez qui vous vouliez. Je me souviens que vous aviez. Bah, en l'occurrence, oui, quand vous étiez venue, c'était le cas. C'était la matinale de l'été. Et franchement, depuis que je fais ce métier, je crois que c'est le moment radiophonique, en tout cas les 2 mois d'été, ça avait été, enfin ça a été le plus beau moment jusqu'ici, parce que c'était super, parce que j'avais eu la liberté de m'entourer de tous les gens que je voulais, et donc c'était que des gens qui étaient dans une énergie créatrice, une énergie tout court en fait, qui avaient envie d'être là. Et donc quand ils arrivaient le matin, donc il était 5h du mat, 6h du mat, c'est dur le rythme d'une matinale, et les gens arrivaient en chantant. Franchement, les gens arrivaient en chantant, alors on chantait de la chanson française. Bon, je vous fais pas un dessin, mais c'était assez rigolo. Et franchement, les gens étaient contents d'être là. Les gens continuent à se voir, en fait, même sans moi. Et ils se connaissaient pas. Et ça, c'était vraiment tellement bien parce que moi, je fais ce métier-là. Aussi pour ces moments-là. Je fais ce métier-là parce que j'ai envie de raconter des histoires. Et je fais aussi ce métier-là parce que sentir ces moments-là où en fait on est bien, c'est tellement chouette et c'est tellement sincère qu'en fait, je crois que j'ai jamais eu autant de retours. Oh, quoique, peut-être j'en ai eu pas mal sur la lettre. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur cette matinale-là, au Move, l'été. Parce que je pense que les gens sentaient qu'on était heureux d'être là. Et du coup, ils se réveillaient aussi avec nous de bonne humeur. Alors le move donc se termine, devient Move également, et donc vous quittez cette antenne donc après 3 ans. J'avais envie aussi de vous poser une question. Tout ce que vous aviez appris à Beurre FM sur cette technique radiophonique, elle vous sert évidemment à Radio France, où effectivement c'est une antenne qui est quand même très cadrée. Non, ça me sert parce que j'avais appris à cadrer justement une émission. Non, ça me sert. Même si j'ai continué à beaucoup apprendre, c'est quand même vraiment au Move que j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, je continue à apprendre. Il y a encore plein de choses que je sais pas faire. Vraiment beaucoup même. Beaucoup de choses. Oui, ça m'a aidé, ouais. Et après le Move, qu'est-ce qui vous appelle? C'est moi surtout qui appelle les gens. Je me dis, pendant 6 mois, tiens, je vais essayer d'autres choses. Je crois que je suis pas encore préparée à me relancer dans le vide de la pige. Même si je fais plusieurs documentaires pour France Culture à ce moment-là, et c'est bien, c'est du long, c'est du reportage, j'aime bien. Et je rencontre celui qui était à ce moment-là le directeur des programmes de la Radio Nova, qui me dit bon, t'aimerais faire quoi? Bon, ok, il me laisse parler 10 minutes, et puis au bout de 10 minutes, il me dit « Ouais, alors, de toute façon, on n'a pas de place, mais par contre, nous, on cherche quelqu'un pour présenter notre matinale, puisque la matinalière s'en va, et il y a plein de gens sur le coup, on a une liste longue comme le bras, t'as à peu près aucune chance, mais si tu veux, envoie-moi 10 lignes de ce que t'aimerais faire de la matinale. » Bon, autant vous dire que j'y vais assez sereinement, c'est-à-dire que j'y crois pas une seule seconde, et en fait... Les rendez-vous se sont enchaînés pendant plusieurs semaines, un mois je crois. Et puis un jour j'ai reçu un mail qui me disait voilà, on a envie que ce soit toi qui présente notre matinale, et c'était vraiment improbable quoi. Moi quand j'avais fait la matinale du Move, je me disais c'est la seule matinale que tu feras dans ta vie, et j'avais jamais pensé en refaire une. C'est un poste quand même assez prestigieux, donc rentrer directement dans une radio à ce poste-là, franchement j'y croyais pas une seule seconde quoi. Et j'ai donc présenté la matinale de Nova pendant un an, et c'était aussi une super belle expérience. Alors qu'est-ce que vous avez proposé comme concept? Qui leur a plu? En fait, fallait rester dans le concept initial qui était de faire une matinale branchée sur l'international, puisque c'était dans le credo de Nova. Et moi, j'ai apporté de faire chaque semaine. Que l'on donne l'impression chaque semaine que l'on visitait une ville. Et donc, on était centré chaque semaine sur une ville différente dans le monde. Et donc, ça, c'était le concept général. Ça, c'était chouette. Et puis, l'autre aspect que j'ai apporté, c'est que j'ai apporté un portrait que je faisais tous les jours, qui s'appelait et qui s'appelle toujours La lettre à Élodie, qui est le portrait de, là, en l'occurrence l'an dernier, de quelqu'un qui connaissait telle ville ou telle ville, ça dépendait des semaines, et je les avais au téléphone. Vous voulez vraiment que je vous dévoile le secret de fabrication? Bah, c'était un entretien. Oui, enfin, du coup, c'est un entretien ensuite que je retranscris sous forme de lettres. Ouais. Parfois, les gens m'écrivent vraiment les lettres, mais souvent, c'est moi qui les écris à la base en partant d'un entretien. Et c'est vraiment. J'avais adoré faire le café avec, j'en ai pas parlé, mais quand j'étais sur le Move, je faisais des longs entretiens d'une demi-heure avec les gens et c'était un format dont on m'a beaucoup parlé, que j'aimais beaucoup faire. Et la lettre, c'est mon deuxième format préféré de toute ma vie. Ouais. Parce que ça dure 4 minutes, parce que les gens, ils me racontent des choses très très intimes d'eux. Et que vraiment, je fais ce métier-là pour ça, quoi, pour que les gens, ensuite, ils me disent, bah, ma mère, elle a cru que c'était moi qui l'avais écrite, quoi, la lettre. Et ouais. en fait, c'est super, c'est beau. Ouais. Et ce sont des gens qui m'écrivent encore pour certains. Et en plus, Graal à la fin de l'année, puisque j'ai eu un prix pour ça. J'ai eu le prix de la SCAB, le prix Découverte pour cette lettre-là. Et vraiment, c'est un format que j'aime tellement, tellement, tellement que j'ai eu envie qu'il ne disparaisse pas au bout d'un an, même si j'ai plus fait la matinale puisque Nova a changé de propriétaire et qu'il avait beaucoup plus d'argent et que bon bah entre Élodie Font et quelqu'un de plus connu évidemment on choisit la personne qui est plus connue, c'est logique, mais j'avais envie de continuer ce format, donc je l'ai continué même s'il est moins visible que le matin à 7h10, et là pour le coup on continue à m'en parler, on continue à m'envoyer des mails, et ça c'est peut-être le format qui a suscité le plus de d'amour, c'est très très immersif en fait en 4 minutes. Alors vous arrivez à trouver le ton, est-ce que les gens se livrent aussi plus facilement parce que ils ne vont pas parler dans cette lettre? Oui, je pense, oui. Donc là vous faites un entretien, c'est vrai qu'on n'entend pas leur voix et que moi je fais un entretien qui dure une heure et demie, enfin je prends vraiment le temps, et ensuite ça dure 4 minutes à l'antenne et c'est moi qui raconte, c'est dans ma voix avec de la musique derrière, et oui, je pense que non seulement les gens se sentent plus libres de me dire des choses, et en plus, en fait, on a tellement plus... quand quelqu'un raconte votre propre vie en 4 minutes, en fait, il dit beaucoup plus de choses que si c'est vous qui dites. D'ailleurs, si je parle en français, c'est mieux. Qui dites quelque chose en 4 minutes. Il y a plus d'infos, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis oui, vous allez voir des choses que eux-mêmes peut-être ne vont pas forcément mettre en exergue. Enfin, non, vous pouvez effectivement, chers auditeurs et auditrices, écouter les lettres à Élodie parce que vous êtes sur iTunes et vous êtes également sur le site de Radio Nova. Mais vraiment, allez. Puis alors, c'est des personnages très très différents. Ouais. Voilà, des personnages qui ont eu des vies un petit peu difficiles ou pas, ou vraiment c'est vraiment il y a de tout. Ouais, et c'est vraiment ce que vous dites parce que on me dit régulièrement, quand je fais des entretiens, que ce soit pour ce format-là ou pour d'autres, on me dit que... Souvent, on me dit « J'ai eu l'impression d'être avec ma psy. » Et de faire émerger des choses chez des gens qui se disent « Ah mais ouais, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est ça la cohérence. » Alors là, franchement, ça, moi, je peux pas rêver mieux que ça, que les gens qui passent un bon moment avec moi et qui s'en souviendront et qui garderont une trace aussi de leur propre vie. Je trouve ça super. Complètement, vraiment. Complètement. Élodie Font, avant de continuer de parler de Radio Nova, on va passer à la deuxième pause musicale. Alors, vous avez là choisi un peu de world music, si j'ose dire. Bah, justement. Parce que Radio Nova et parce que c'est le sel de cette radio et parce que le morceau que l'on va écouter, c'est un des morceaux qui a été diffusé dans la première émission que j'avais présentée sur Nova, et là pour le coup, pour parler de stress, là j'étais quand même pas hyper sereine. Thank you. de nuit à Diobol. Ta, ta Diobol, de nuit à Diobol. Abdou, Ouyambar, Nyare Malaikala. Hawe, Hechiko, Dano Cicero. Momu, Munila, Degam Julinga. Momu, Munila, Degam Wol. Alors Élodie Font, on vient d'écouter quoi ? C'était très très court, hein, mais on a beaucoup Ismaël Lô, ouais. Très très beau. Je vous conseille d'écouter tout ce qu'il a fait. C'est magnifique, Ismaël Lô. Alors, un an de matinale à Radio Nova. Mmh. Qu'est-ce qu'on en tire ? Vous avez effectivement lancé pas mal. Enfin, vous avez lancé la lettre à Élodie. Un exercice quand même assez compliqué de changer de ville toutes les semaines. C'est quand même, à mon avis, au niveau du travail, pas mal d'énergie. Qu'est-ce que vous en tirez au bout d'un an de matinale ? Qu'est-ce que j'en tire ? Beaucoup de cernes. Comme tous les matinalières et matinaliers. Qu'est-ce que j'en tire ? Non, une chouette expérience. Je ne sais pas répondre à cette question. Bon, bah écoutez, on va passer à la suivante. Voilà. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, à partir de septembre dernier, Édouard Baird vous remplace. Il reprend votre fauteuil. Alors, du coup, dans quoi vous partez Ce qui est toujours improbable comme phrase, parce que effectivement, bon, bah entre Édouard Baird et moi, bon, on n'est pas du tout sur le même registre. Enfin, je veux dire, la radio a complètement changé. Donc, j'ai même pas eu l'impression qu'il me remplaçait. Enfin, c'était pas du tout. Oui, c'est tellement différent. Votre créneau. Oui, voilà, c'est ça. C'est tellement différent. Et il le fait très très bien d'ailleurs. Ouais, ouais. On vous a proposé quoi du coup en septembre ? Ce qu'on m'a proposé en septembre. Alors au début, j'ai fait des petits micro-trottes, on appelle ça. Donc j'allais avec un micro le matin pour faire des petites choses dans la matinale d'Edouard Baird, justement. Ça me convenait pas trop. Donc, au bout de quelques semaines, assez vite, je leur ai dit. Et puis finalement, bon, il s'est passé encore plusieurs semaines. Et puis au bout de plusieurs semaines, j'ai présenté une émission sur le boulot, parce que je pense que c'est un thème fondamental aujourd'hui. Donc ça s'appelle La gueule de l'emploi. Et ce sont des portraits de gens qui racontent leur rapport au travail. C'est pas vie ma vie de soudeur ou vie ma vie d'électricien. C'est vraiment qu'est-ce que moi je mets 2 mois dans le travail, et je pense que au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que on fait pas des émissions par hasard, on fait pas des thèmes d'émissions par hasard, on fait pas des thèmes de documentaires par hasard, on dit forcément plein de choses de nous. Je pense pas que c'est un hasard que je fasse cette émission là à ce moment-là de ma vie, puisque moi-même je me pose beaucoup de questions sur ce que je mets de moi dans ce travail, et ce que j'ai envie de mettre de moi dans ce travail au fur et à mesure des mois qui passent, des années. Et en l'occurrence, cette émission va s'arrêter bientôt, et je vais faire un remplacement de congé mat le 9h30-13h. Donc c'est une année un peu particulière pour moi à Nova. Oui, mais je vous connais quand même un peu, Élodie Font. Je sais que vous n'avez pas qu'une seule corde à votre arc, si vous me permettez l'expression, et que vous permets. Voilà, et vous avez beaucoup d'autres idées, et en particulier vous avez lancé un podcast. Alors je le vois, oui, depuis 2016, je me souviens plus quel était le. C'est pas avant l'été dernier, c'était il y a un an à peu près. Un an, ouais. Ça s'appelle Je bois, donc je lis. C'est pour ça que dans mon introduction, je dis qu'elle boit du vin en lisant. C'est un petit peu ça quand même, hein, ce podcast. Alors c'est complètement ça, ce podcast. C'est surtout les autres qui boivent, je tiens à le préciser. Oui, parce qu'elle fait boire les autres, évidemment. Bah, c'est quand même un peu le principe. Non, c'est très chouette, parce que j'avais envie de me mettre... Donc là, en l'occurrence, quand je l'ai lancé, j'étais vraiment à fond sur Nova, puisque c'était la matinale et tout. J'avais beaucoup de boulot, mais je suis effectivement un petit peu boulimique de boulot. Puis j'ai besoin de moi d'avoir des projets à moi à côté, des choses que je mène comme j'ai envie de les mener. Et donc je me suis dit pourquoi pas lancer un podcast, parce que c'est chouette, parce que c'est hyper vivant et qu'on peut lancer plein de choses. Et donc je me suis lancée. Il y en a pas eu énormément, hein. Il y en a 6 ou 7 je crois, mais j'ai envie de continuer, hein. Parce que là cette année il y en a moins. que l'an dernier. Parce que c'était un peu compliqué dans mon rythme, puisque là, en l'occurrence, à côté de Nova, je fais plein d'autres choses. Et donc là, c'était un petit peu compliqué quand même de... J'ai beau bien aimer beaucoup bosser, là, c'était un petit peu beaucoup. Donc là, c'est un petit peu en pause, mais je compte bien poursuivre ce podcast. Et surtout, ça m'a ouvert plein de choses, en fait. C'est assez curieux parce que à la fin de l'année dernière, la matinale s'arrête. J'avais quand même envie de continuer à faire des choses pour Nova à ce moment-là parce que je me disais un an c'est tellement court. Encore plein de choses à faire. Ouais, je trouvais ça dommage. Bon, a posteriori, je me rends compte qu'en fait quand on présente une matinale quelque part, c'est un petit peu compliqué de rester dans cet endroit-là après parce que c'est un poste qui est tellement intéressant, tellement vivifiant et puis aussi qui est tellement reconnu que derrière c'est un petit peu compliqué de travailler au même endroit. Mais ce qui était assez rigolo, c'est qu'à la fin de l'année dernière, finalement, c'est Je bois donc joli qui m'a ouvert le plus de portes. Et c'est pas Nova, ce que je trouve assez curieux. Mais en fait, c'était l'idée que je porte un projet, que j'aille ouvrir des portes, tout ça. Même si c'est très confidentiel, hein, le plus qu'on a fait d'écoute, c'est 1000, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Mais c'est pas voilà, c'est très confidentiel. Ah non, iTunes au final, vous avez bien monté c'était chouette. Mais en tout cas, ça m'a ouvert des portes dans le milieu du podcast et notamment pour Boxon, qui est donc le média que s'apprête à lancer Pascal Clark, Candice Marshall et Hervé Marchon. Ouais. Et qui va être super chouette. Et c'est dans ce contexte-là que Pascal Clark est venu vous contacter. Bon, c'est un petit peu l'inverse quand même, je vais pas vous cacher. Bon, quand même envoyé un petit mail. Bon, c'est quand même moi qui ai envoyé un mail. J'adore, je suis une grande fan de Pascal Clark. Je sais qu'elle est très clivante, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'elle faisait, ce qu'elle fait d'ailleurs. Et puis j'adore son sens de l'interview. Et quand j'ai vu qu'elle lançait ça, j'avais vu un article dans Télérama. Je me suis dit, oh quand même, il faut que tu la contactes. Maintenant ou c'est jamais. Ouais. Et donc j'ai envoyé un petit mail et en fait c'est donc Candice Marshall avec qui elle lance ce média qui m'a répondu très très vite, mais genre en 2 heures, et qui m'a dit on rendez-vous chez Pascal dans 2 jours chez elle. C'est improbable. Et en fait à partir de là j'ai commencé à les voir régulièrement et à bosser pour elle, et elles sont très bienveillantes et ça fait du bien parce que c'est quand même un milieu qui manque un peu de bienveillance en général, donc ouais. Ça fait du bien en fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et alors du coup, vous avez peut-être pas le droit d'en dire beaucoup hein, sur sur Boxon évidemment. Bah, si. Bon, alors vous allez commencer, elle va lancer effectivement cette plateforme début avril, on la recevra dans la mécanique le mois prochain. Mais vous avez proposé donc des idées qu'elles ont choisies. Vous allez recommencer par combien de reportages? Enfin, alors c'est assez marrant parce que la problématique du travail m'intéressait déjà, et quand je les ai rencontrées en juin dernier, je leur avais proposé de bosser sur le travail. Donc avant de savoir que j'aurais une émission pendant 3 mois sur ce sujet à Nova, et donc moi je suis aussi sur cette problématique du travail à Boxon. Là j'en ai déjà enregistré, monté, produit 2. Parce que ce sont des reportages assez longs, d'une vingtaine de minutes, donc ça demande quand même un petit temps de création, de fabrication. Et puis j'en ai 2 autres en route, et j'aimerais bien faire aussi sur des reportages sur d'autres sujets, notamment sur les femmes, pour revenir aux Beastie Boys de tout à l'heure. Ouais. Notamment sur les femmes, je réfléchis, en tout cas elles sont preneuses de plein d'idées, elles sont ouvertes à la réflexion. Et l'idée donc de Boxon, ce sera un média sonore avec beaucoup de reportages, donc que du son quasiment et de la photo. Et ce sera payant. C'est un modèle payant, donc elle se lance dans un modèle qui n'existe pas pour l'instant en France. Mais qui existe aux États-Unis. Effectivement, il y a déjà des plateformes de podcasts payants. Alors justement, entre Je bois donc joli et le modèle de Boxon, et puis ces podcasts qui explosent aujourd'hui en France. Alors moi, j'aimerais bien avoir un peu votre avis et puis un petit peu votre vision de ce média qui est au final très très libre, puisqu'on n'est pas dans un format éditorial cadré comme ceux des radios. Et la difficulté d'ailleurs, c'est de se permettre cette liberté-là. Parce que, mine de rien, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de faire des podcasts aujourd'hui et qui viennent de la radio classique, comme moi. Et c'est pas si facile que ça de péter ses propres codes. Donc, pour l'instant, je trouve qu'en France, Il y a des modèles intéressants, il y en a, hein, vraiment. Mais il y a aussi des modèles qui ressemblent vraiment beaucoup à ce qu'on peut voir sur des antennes. Donc je pense qu'on n'a pas encore exploré toute la liberté que ça pouvait nous offrir, aussi parce que ça fait des années et des années que la radio a perdu aussi un peu de cette... De naturel. De spontanéité, de sincérité, je pense. Mais moi, je trouve ça passionnant, par contre, que l'on puisse s'approprier ce milieu-là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en faire. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce créneau. Donc, plus on est de fous, un, plus on rit. Et deux, plus on suscite aussi quelque chose et peut-être un intérêt. Et que les gens qui vont aimer les podcasts de Slate, peut-être... iront écouter ceux de Boxon et ceux de Boxon iront peut-être écouter ceux de Lorraine Bastide, je sais pas, enfin La Poudre, je crois que ça s'appelle. Mmh. Oui, c'est, j'en suis sûre même. Mmh. Et puis j'espère que tous ces gens iront écouter Arte Radio parce que ce que fait Arte Radio est génial depuis des années et des années. Voilà, donc du coup tout ça, je trouve ça passionnant, mais je pense qu'il y a encore plein de questions et notamment si je peux me permettre, notamment qui on touche à travers les podcasts. Parce que pour l'instant, on touche une minorité de gens et ce sont des gens qui sont presque acquis à notre cause. Ce sont des gens qui ont un intérêt, sont assez curieux. Et pour l'instant, on n'a pas dépassé, enfin, pas beaucoup en tout cas, ce cadre-là. Et c'est ça le vrai défi du podcast. C'est de dire... à des gens que ça pourrait intéresser, mais qui n'ont pas du tout ce réflexe-là, de dire « Attendez, mais là, il y a des choses pour vous, en fait. Il y a des choses à aller voir. » Et vraiment, prenez le temps, parce que on se bouge en plus, quoi. On est plusieurs à se bouger. La mécanique des ondes. Alors, Élodie Font, les invités posent des questions aux invités suivants. Et là, cette fois-ci, c'est Nicolas Lespaul, l'animateur sur WFM, qui vous pose une question. Bonjour Élodie, c'est Nicolas Lespaul. Je suis le rockstaffariste du samedi soir de WFM. Alors, Cécile m'a donné carte blanche pour vous poser une question. C'est dommage parce qu'on ne se connaît pas et je le regrette. Mais il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir de vous. Par exemple, quand vous commandez un kebab, est-ce que vous le prenez avec de la salade tomate-oignon ou pas? Ou plus sérieusement, comment avez-vous accueilli l'arrivée d'Edouard Baird à la matinale de Nova? Merci de votre réponse, Élodie. On y a répondu un petit peu quand même tout à l'heure. Alors sur le kebab, j'en mangeais beaucoup quand j'avais 20 ans. Moins maintenant, je le regrette. On le paye plus cher, je crois, aujourd'hui. On le paye plus cher et puis bon, on s'est rendu compte que ça restait un petit peu sur l'estomac quand même. Ça, c'est ma première réponse. Et ma deuxième réponse sur Edouard Baird, en fait, c'est-à-dire que... Je comprends en fait que quand on reprend une radio, on ait envie de changer la matinale. Donc je m'y attendais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su que Mathieu Pigas reprenait Nova, que c'était acté, j'étais persuadée que j'allais pas rester sur la matinale parce que je sais extrêmement bien comment fonctionne ce milieu. Et donc j'étais préparée à. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de mettre Edouard Baird sur une matinale. Enfin, c'est assez déjanté, c'est assez chouette. C'est quelqu'un qui a été très sympa avec moi au début de l'année. Donc je l'ai bien pris. J'aurais aimé, moi, faire d'autres choses à Nova que ce que j'y ai fait cette année. Mais c'est pas grave, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. J'en veux à personne et puis je vais continuer ma route. Exactement. Et le diffon va terminer cette émission avec le questionnaire rapide. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle? Bah, c'est Pascal Clark. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? France Inter. Quelle radio vous réveille le matin? France Inter. Quelle radio vous faut pas que je dise ça à Nova. C'est ça. France Inter, j'avoue. Quelle radio vous endort le soir? Je m'endors pas avec la radio. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Mon salon. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? La chambre. Votre meilleur souvenir de radio, s'il y en a qu'un à retenir? Oh, qu'est-ce que c'est dur. Mon meilleur souvenir de radio, c'est dur. Allez, le premier qui me vient à l'esprit, c'était un café avec Nantes et Moutz, ceux qui font l'émission, enfin qui faisaient l'émission Nu et culotté sur France 5. Et c'était super, hyper jolie rencontre. Et on allait dans le métro. Et l'idée, c'était d'avoir un fou rire dans le métro et de voir si les gens riaient avec nous. J'avais adoré ce moment. Le pire souvenir, s'il y en a qu'un. Le pire souvenir, c'est les premiers. C'est à Tanger, c'est au Maroc, c'est des gens qui vous veulent du mal. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio pour terminer. Créer son propre projet, avoir des idées, les suivre et croire en sa capacité à inventer. Ah, mais ça c'est très très joli ça, Élodie Font. Merci beaucoup. Merci. Alors, on peut vous évidemment vous suivre dans Je bois donc je lis, sur Nova, bientôt sur Boxon. J'espère qu'il y en aura vraiment beaucoup beaucoup à l'écoute. Et puis évidemment sur Arte Radio aussi. Il y a un documentaire qui arrive sur Arte Radio. Waouh, quel teasing sur la fin d'émission. Merci beaucoup, Élodie. À bientôt.